Et de son corps et mon cœur se serrent. Nos routes se croisent, je jure fidélité. Un silence d'horreur, une nuit sans sommeil. Des lumières qui s'éteignent, l'astre rougit le ciel. Ces romans de poussière qui fondent sous la pluie comme neige au soleil. Ces parfums de printemps passent par la fenêtre et je te vois au soleil. Tu n'es plus pareil. Dam dam dam dam dam dam dam dam. Au soleil, tu es encore plus belle. Je jure fidélité. Un silence d'horreur, une nuit sans sommeil. Des lumières qui s'éteignent, l'astre rougit le ciel. Ces romans de poussière qui fondent sous la pluie comme neige au soleil. Les parfums de printemps passent par la fenêtre et je te vois au soleil. Tu n'es plus pareil. Encore plus belle, dame.